Section 17, chapitre 28, chapitre 29. Chapitre 28, chez les loups. À l'heure où Pellerouan faisait à Jude le récit que nous avons rapporté plus haut, un homme, enveloppé dans son manteau, descendit avec précaution la rampe du ravin de la fosse aux loups. Il jetait furtivement autour de lui des regards d'inquiétude et semblait avoir la conscience d'un danger. Néanmoins, il avançait toujours. Lorsqu'il parvint au fond du ravin, devant le chêne creux où Nicolas Trémle avait enfoui jadis son coffret de fer, il s'arrêta pour reprendre haleine. « Ne m'aurait-il donc pas aperçu ? » murmura-t-il, pendant que ses dents claquaient de frayeur. Sa vue était troublée probablement par la fièvre qui faisait trembler chacun de ses membres sous son manteau. Sans cela, il n'eût point exprimé de doute, car de plusieurs côtés des têtes fauves écartant les dernières branches du taillis commençaient à se montrer. Au moment où l'étranger allait reprendre sa route, en se dirigeant vers l'emplacement de la loge de Mathieu Blanc, trois ou quatre hommes, masqués de fourrure, bondirent hors des broussailles et tombèrent sur lui et le terrassèrent en un clin d'œil. « Qui diable avons-nous là ? » demanda l'un d'eux en mettant son pied sur la poitrine de l'homme au manteau. Celui-ci, malgré son épouvante, ne parut nullement surpris de l'attaque et continua de cacher son visage. « Mes bons amis, dit-il d'une voix qui, malgré ses efforts, n'était rien moins qu'assurée, ne me maltraitez pas, je ne viens point ici par hasard. Un espion du maltôtier, s'écrièrent en chœur les loups. Il faut le pendre. Saint Dieu, mes excellents amis, ne commettez pas une énormité semblable, reprit le patient, dont les dents claquèrent de rechef plus fort. Je viens vers vous, dans votre intérêt. À d'autres. Sur mon salut, je ne vous mens point. « Bandez-moi les yeux pour être bien sûr que je ne verrai rien des choses que vous avez intérêt à cacher, et introduisez-moi auprès de votre chef. » Les loups se consultèrent. « Il sera toujours temps de le pendre, » dit l'un d'eux, robuste sabotier nommé Simon Lion. La vie semblait sage. « Pourtant, reprit un vanier du nom de Livaudray, faudrait au moins voir sa figure. » Simon Lion arracha brusquement le manteau du rôdeur qui pencha sur sa poitrine un visage rond et plein, mais plus blême qu'un linceul. Les quatre loups reculèrent, frappés d'une commune et inexprimable surprise. « Le maître de la Trémlay ! » s'écrièrent-ils en même temps. Vaunois, c'était bien lui en effet, essaya de sourire et parvint seulement à produire un convulsif clignement d'yeux. « Le maître de la Trémlay en personne, mes bons amis, » dit-il. « Nous ne sommes pas tes amis, » murmura Livaudray d'une voix basse et menaçante. « Ignores-tu si complètement les sentiers de la forêt que tu aies pu prendre au hasard une route qui te conduisait droit à la mort ?» « allons donc !» balbutia Vaunois. « Vous raillez, mon joyeux camarade. On ne tue pas ainsi un homme qui apporte une fortune avec lui. » Les loups échangèrent un regard significatif et Simon, d'un geste rapide, tâta les poches de Vaunois. « Tu mens, » dit-il après examen fait. « Aujourd'hui comme toujours. Mais du diable, si tu nous échappes cette fois !» La terreur de Vaunois atteignait à son comble et augmentait pour lui le danger, car il perdait le sens et la parole. Livaudray détacha une corde roulée autour de sa ceinture et lança l'extrémité, formant un nœud coulant de manière à accrocher l'une des basses branches du chêne creux. La corde se noua du premier coup et se balança tout près du visage de Vaunois. On ne peut dire que celui-ci se fût engagé à la légère dans sa périlleuse entreprise. Au contraire, il en avait laborieusement calculé toutes les chances. Mais il avait compté sans sa poltronnerie, et sa poltronnerie allait le tuer. Il était parti de la Trémlay dans un de ces moments de résolution désespérée, où le plus lâche devient en quelque sorte le plus téméraire. Sa haine pour Didier, ou pour parler mieux, l'envie passionnée qu'il avait de jeter hors de sa route, la vivante menace qui le tourmentait nuit et jour, lui avait caché une partie du péril, en lui montrant plus certaine qu'elle ne l'était les chances de réussite. Il ne pouvait rien par lui-même contre Didier, officier du roi et son hôte officiel. Et pourtant il fallait que Didier disparût, il le fallait, c'était une question de fortune qui pouvait devenir question de vie ou de mort. Par une étrange destinée, ce jeune soldat se trouvait fatalement en contact avec Vaunois, sur tous les points à la fois. Le penchant d'Alix pour lui et son éloignement croissant pour Béchamel, qui en était une conséquence naturelle, eussent constitué seuls une cause d'inimitié bien suffisante. Car à cette époque où le Parlement s'occupait journellement de recherches de noblesse, il fallait que Vaunois conquît à tout prix l'appui de l'intendant royal. Un mot de béchamel pouvait lui faire perdre sa qualité de noble homme, et par conséquent l'opulent héritage de Trême. Mais à part ce motif, Vaunois en avait un autre, plus impérieux encore, et nous ne dirons pas trop en affirmant que Didier et lui ne pouvaient exister ensemble sous le ciel. Au reste, si nous n'avons pas complètement échoué dans la peinture de son caractère, on doit penser indépendamment même de cette explication qu'il avait fallu à Vaunois un bien puissant motif pour braver ainsi la vengeance des loups, lui qui avait été leur plus actif et leur plus implacable persécuteur. Ce motif, une fois admis, restait pour un homme véritablement résolu à combiner un plan et à n'engager la bataille qu'avec le plein exercice de son sang-froid. Le maître de la Trémelay était dans de tout autres conditions. En traversant la forêt, il avait subi tour à tour les influences de la frayeur la plus exagérée et du plus fol espoir. Maintenant qu'il fallait agir sous peine de mort, il restait vaincu par l'épouvante, incapable, inerte, hébété. Mort d'avance, comme ces malheureux qu'on précipite du haut d'une tour élevée et qui expirent, dit-on, avant de toucher le sol. Simon Lion le saisit à bras le corps et Livaudré fit un nœud coulant à l'extrémité de la corde. Vaunois ne bougea pas, il se laissa passer la corde autour du cou sans faire résistance aucune. Seulement, lorsque la hache lui blessa la gorge, il roula autour de lui de gros yeux affolés et poussa une plainte étouffée. « Halle ! » cria Livaudré. Les pieds du malheureux Vaunois quittèrent le sol. Comme on voit, les pressentiments de la pierre n'étaient pas sans quelque fondement. Mais au moment où la face du patient passait du violet au noir par l'effet de la strangulation, un cinquième personnage bondit alors des broussailles. C'était encore un loup. « Arrive donc, petit Yomi, lui dirent ses camarades. Viens voir la dernière grimace d'une de tes connaissances. » Le petit Yomi, que nous avons rencontré tout à l'heure dans la loge de Pélo-Rouen, était un énorme gaillard, haut de près de 6 pieds et membré en proportion. Il jeta un coup d'œil sur Vaunois et le reconnut malgré la contraction hideuse de ses traits. « Méchant blaireau » murmura-t-il. « Ils allaient le tuer comme ça sans crier gare ?» Et d'un revers de son grand couteau de chasse, il coupa la corde. Vaunois tomba comme une masse et s'affaissa sur le gazon. « Vous faisiez là de la belle besogne, » reprit le petit Yomi. « Et qu'aurait dit le maître ? Ne savez-vous pas qu'il y a quelque chose entre lui et ce vil coquin pour qui la corde était une mort trop douce ? Le maître est-il dans la mine ?»« Le diable sait où est le maître, » répondit Livaudré d'un ton bourru. « Quant à ce qui est de ce vieux drôle, il peut se vanter de l'avoir échappé belle. Mais il n'est pas au bout, et il faudra savoir si nos anciens ne lui remettront pas la corde au cou. » Nos anciens obéissent au maître, tout comme toi et moi, mon homme, dit Yomi d'un ton sentencieux. Ils feront ce que le maître voudra. Vaunois, cependant, avait repris ses sens et s'agitait sur l'herbe. Debout ! Cria Simon Lion en le poussant du pied. Vaunois, qui avait plus de peur que de mal, obéit sans trop de peine. Par une réaction explicable, ce premier danger, miraculeusement évité, lui avait remis quelque force au cœur. « Empêchez vos gens de me maltraiter, » dit-il à Yomi d'une voix plus ferme. « Ce bout de corde a failli vous faire perdre 500 000 livres. » Yomi ne s'émut point, mais il n'en fut pas de même des 4 loups. « 500 000 !» répétèrent-ils, ébahis. Vaunois respira, l'effet était produit. « Conduisez-moi à vos chefs, » dit-il d'un ton d'autorité. « Maintenant, » murmura le petit Yomi en haussant ses larges épaules, « ils vont le laisser échapper. » « Je donnerais un écu pour que le maître fût ici. » Simon Lion noua le mouchoir à carreaux qui lui servait de ceinture sur les yeux de Vaunois et, tout aussitôt, les 4 loups le poussèrent vers la rampe occidentale du ravin, au sommet de laquelle se voyaient les ruines des 2 moulins à vent. Vaunois sentit bientôt un air froid et humide frapper sa joue. En même temps, la vague lueur qui, malgré le bandeau, parvenait jusqu'à ses yeux, disparut tout à coup. Tantôt il descendait les marches d'une sorte d'escalier taillé presque à pic, tantôt ses conducteurs le soulevaient à force de bras, le portaient pendant quelques pas et le déposaient ensuite sur le sol. Cela dura 10 minutes environ. Au bout de ce temps, Vaunois entendit un bruit de voix confuse et une forte odeur de tabac et d'eau-de-vie le saisit à la gorge. On lui arracha son bandeau, il était chez les loups, dans le réfectoire et arrivait au dessert. La rouge clarté d'une demi-douzaine de torches qui brûlaient autour de lui éblouit d'abord ses yeux habitués aux ténèbres. En outre, les cris assourdissants qu'un millier de larynx récemment abreuvés poussèrent à sa vue faillirent de nouveau lui faire perdre la tête. Il y avait de quoi. C'était de tous côtés énergiques menaces et clameurs de mort. Mais bientôt un silence se fit. Simon Lion avait prononcé quatre mots qui produisirent un effet réellement magique. Les clameurs devinrent tout à coup murmures, et ces quatre mots répétés avec componction passèrent en un instant de bouche en bouche. « 500 000 livres, disait-on de toutes parts. » Ce chuchotement d'excellent augure ranima Hervé de Vaunois mieux que n'eût fait le plus méritant de tous les baumes. Il se sentit revivre et devint brave de toute la grande peur qu'il avait eue. Le spectacle qu'il entrevoyait, à mesure que ses yeux s'aguerrissaient au sombre éclat des torches, n'était pas fait cependant pour porter au comble sa sécurité. Il était précisément au centre d'une nombreuse assemblée dont les groupes, attablés, sans ordre, autour de planches soutenues par des pieux fichés en terre, buvaient, mangeaient ou fumaient. Cela ressemblait à une immense taverne. La lumière, partant d'un seul centre, où brûlaient toutes les torches réunies, s'affaiblissait en radiant, de telle sorte que la majeure partie de la foule, fantastiquement plongée dans un vacillant demi-jour, prenait de loin une physionomie étrange et presque diabolique. On ne pouvait calculer, même approximativement, le nombre des assistants, et l'aspect de cette cohue faisait naître l'idée de l'infini. Les derniers rangs, en effet, disparaissant à demi dans l'ombre, semblaient se prolonger jusqu'à perte de vue, et lorsqu'un mouvement fortuit ou l'étincellement d'une torche agrandissait le cercle de lumière, on voyait surgir de tous côtés de nouvelles figures de buveurs ou de fumeurs. Or, tous ces buveurs et fumeurs étaient des loups, honnêtes artisans de la forêt, qui, nous en sommes certains, possédaient au grand jour de fort débonnaires physionomies. Mais la lueur sanglante des torches mettait à leurs traits une expression de férocité sauvage. S'ils étaient bons, ils n'en avaient pas l'air en vérité. Çà et là, dans la foule, Vaunois reconnaissait quelques visages de vanniers ou de sabotiers rencontrés souvent dans la forêt. Deux ou trois loups avaient gardé leurs masques de fourrure. Et, nonobstant le flux perpétuel de la lumière et de l'ombre, Vaunois crut pouvoir affirmer plus tard que ces loups, obstinément masqués, avaient leur raison pour se faire en sa présence. Ils portaient la livrée de la Tremblay. Au milieu de la salle de la grotte ou de la caverne, Vaunois, n'apercevant ni les parois ni la voûte, ne pouvait assigner à ce lieu un nom fort précis. Se trouvait une table mieux équarrie que les autres. Autour de cette table siégeaient 9 vieux loups de grande expérience qui, sans doute, étaient les sénateurs de cette bizarre république. Quant au dictateur, ce fameux loup blanc dont parlait tant la renommée, Vaunois eut beau chercher, il ne put le découvrir à aucun signe extérieur et conclut qu'il était absent. Au bout de quelques minutes, l'un des vieillards réclama le silence d'un geste et se tourna vers Vaunois qui mettait tous ses efforts à ressaisir son sang-froid ébranlé. « Qu'es-tu venu faire à la fosse aux loups ? » demanda le vieillard. Vaunois prit, comme on dit vulgairement, son courage à deux mains. « J'y suis venu chercher ce que j'y ai trouvé, » répondit-il d'un ton dégagé. « Je voulais voir les loups. » « C'est une vue qui peut coûter cher, Hervé de Vaunois. As-tu donc oublié tout le mal que tu nous as fait ?»« Non, mais j'ai compté sur votre bon sens, et aussi sur votre misère, que je croyais, je dois le dire, ajouta-t-il moins haut, plus grande qu'elle ne me paraît l'être en réalité. Nous vivons du mieux que nous pouvons, » reprit le vieillard. « On a voulu nous voler notre pain noir et notre petit cidre. Nous volons nos voleurs, ce qui nous met à même de manger du pain blanc et de boire de l'eau-de-vie. » Un joyeux et bruyant éclat de rire accueillit la douteuse moralité de ces paroles. « Bien dit, notre père Toussaint » cria-t-on de toutes parts. « La paix, mes enfants, la paix. Quant à notre bon sens, nous te savons gré de ton compliment. Mais, en définitive, qu'as-tu à faire de notre bon sens, qui nous conseille de te pendre, et de notre misère, que tu as tâché de rendre si complète ?»« Je veux me venger, » dit Vaunois. « N'as-tu pas à la Tremblay tes assassins ordinaires ?»« Trêve !» interrompit Vaunois dans un mouvement d'impatience qui le servit à merveille. Expliquons-nous comme des hommes et ne bavardons pas comme des avocats. Voulez-vous gagner 500 000 livres ? 500 000 livres ? Répétèrent encore les loups qui avaient l'eau à la bouche. 500 millions de tromperies ! S'écria une rude voix dont le propriétaire, le petit Yomi, perça la foule et vint dresser sa haute taille devant la table occupée par le sénat de la fosse aux loups. « Notre père Toussaint et les autres, ajouta-t-il, ne faites pas attention à ce que dit ce misérable. Vous le connaissez, et d'ailleurs, en l'absence du maître, vous ne pouvez rien décider. » Vaunois dressa l'oreille à ce mot de maître. C'était là une nouvelle difficulté qu'il n'avait pu mettre en ligne de compte. Le père Toussaint secoua la tête d'un air de mécontentement. « Ami Yomi, dit-il, le maître est le maître, mais nous sommes bien quelque chose. » Et 500 000 livres ne se trouvent pas tous les jours sous le couvert. Cela mérite réflexion. Mais il ment, comme un coquin qu'il est. » Les loups poussèrent en cœur un murmure de désapprobation. Ces bonnes gens tenaient aux 500 000 livres annoncés plus que nous ne saurions dire. « Yomi, mon garçon, reprit Toussaint, avec d'autant plus d'assurance qu'il se sentait soutenu. Laisse-nous faire nos affaires. Le maître sera content. » « Et s'il ne l'est pas ? » demanda Yomi. Personne ne dit mot dans la foule. Le vieillard parut visiblement déconcerté. « Il le sera, » reprit-il encore après un silence. « Personne plus que moi n'est disposé à obéir au maître, mais... »« Mais vous voulez braver la chance de lui désobéir. Écoutez, je sais, moi, que le maître donnerait le plus clair de son sang pour voir cet homme face à face. » Vaunois frémit de la tête aux pieds. « Je sais, » poursuivit Yomi, « que cet homme et lui... » ont à régler un compte long et embrouillé. Je veux aller chercher le maître. Qui sait où on le trouvera ? Je tâcherai. Vous m'attendrez. C'est impossible, s'écria Vaunois, mettant désormais son va-tout sur une seule chance. Tout est manqué si dans 2 heures je ne suis pas de retour à la Tremblay. 2 heures me suffiront, dit Yomi. Les vieillards se consultèrent. Il faut croire que l'autorité de celui qu'on appelait le maître, et qui n'était autre que le loup blanc, avait des proportions fort absolues, car malgré sa violente envie de conquérir les 500 000 livres, la foule des loups vint en aide à Yomi. « N'y a pas à dire, murmurait-on de tous côtés, faut que le maître soit averti. « Va donc, dit Toussaint à Yomi, mais si dans 2 heures tu n'es pas revenu, nous ferons à notre idée. » Yomi ne s'ébranla point encore. « Il faut auparavant, dit-il, que je sache tout ce que veut cet homme. « C'est juste, repartit Toussaint. « Expliquez-vous, Hervé de Vaunois. » « Les 500 000 livres dont il s'agit, dit le maître de la Tremblay, sont le produit des tailles de l'évêché de Dole que monsieur l'intendant royal expédie à Paris. Les 500 000 livres resteront une nuit au château. Cela suffira. » « Je crois bien, » s'écria Toussaint. « Je crois bien, » répétèrent les loups. « Quant à l'homme que je veux tuer, il est votre ennemi aussi bien que le mien. C'est le nouveau capitaine de la maréchaussée. » « Fut-il pis que cela, Hervé de Vaunois ?» dit Toussaint d'un ton grave, mais non sans quelque regret. « N'espère pas l'aide de nos bras. Les loups n'assassinent pas. » « Les loups attaqueront la caisse. Les loups prendront les 500 000 livres. Les loups auront tout le profit. Moi, je ferai le reste. » Le vieux Toussaint secoua la tête d'un air de satisfaction non équivoque. « Cela peut s'accepter, » dit-il. « En conscience, cela peut s'accepter. Eh bien, Yomi, en sais-tu assez long ?» « Je pars, » répondit ce dernier. Il mit en effet son masque sur son visage et disparut dans l'ombre. Vaunois s'assit. On plaça devant lui un verre d'eau-de-vie qu'il toucha de ses lèvres. « 2 heures, » pensait-il avec angoisse, « si cet homme vient, quel sera mon sort ?» Les loups s'étaient remis à fumer et à boire, car ces pauvres gens, naguère artisans honnêtes et laborieux, une fois jetés violemment hors de leur voie, avaient pris à peu de choses près tous les vices qu'amène avec soi la fainéantise soutenue par la rapine. Vaunois, lui, comptait les minutes. De temps en temps, la voix du vieux Toussaint, qui demandait quelques explications sur le mode d'attaque, sur le moment du coup de main, etc., interrompait sa laborieuse rêverie. Ce fut heureux pour lui, car, si on ne l'eût point distrait de sa peur l'aurait tué. 1 heure se passa, puis 1 heure et demie, puis l'aiguille de la montre de Vaunois indiqua les 2 heures révolues. Vaunois ouvrit sa poitrine à une longue et vigoureuse aspiration. Il se leva. « Ma foi, dit Toussaint, Hervé de Vaunoy est dans son droit. Un honnête homme n'a que sa parole. Nous avons la nôtre et nous sommes des honnêtes gens. C'est clair, appuya l'assistance. Donc tu peux te retirer, l'homme. Ton intérêt nous répond de ton exactitude. Demain, une heure après le coucher du soleil, nous serons au lieu désigné. À demain, dit Vaunoy, qui devançait ses guides vers l'entrée du souterrain. On lui banda de nouveau les yeux. Quelques minutes après, il sautait joyeusement sur son cheval qui l'attendait au-delà du fourré. « Saint Dieu, Saint Dieu, Saint Dieu » cria-t-il follement en pressant à grands coups d'éperon le galop de sa monture. Comme on le pense, le vieux majordome gagna son pari, car c'était Vaunoy qui avait frappé ses rudes coups à la porte extérieure de la Trémelay, et ce fut lui qui, au moment de la gageure, entra dans le salon au grand étonnement de la Pierre. En entrant, il se jeta haletant sur un fauteuil. « Il est à nous » s'écria-t-il. « J'ai joué ma vie, j'ai gagné, mais je jure Dieu qu'on ne m'y prendra plus. » « J'en reviens à ce que je disais, » murmura la Pierre, « que Dieu est l'âme du capitaine. Maître Alain, voici votre écu. » Chapitre 29. Avant la lutte. Le lendemain, le convoi des deniers de l'impôt partit de Rennes dans la matinée. Il était escorté par la maréchaussée, à la tête de laquelle chevauchait le capitaine Didier, et par une compagnie de sergents à pied. Le trajet de Rennes à la Trémelay se fit sans encombre, tandis que les lourdes charrettes chargées d'écus de 6 livres s'embourbaient dans les fondrières de la forêt, l'attaque aurait été bien facile. Mais nulle figure hostile ou suspecte ne se montra sur la route, et c'est à peine si Jude, qui suivait le capitaine, put conjecturer 2 ou 3 fois au mouvement des branches qu'il y avait un être vivant, homme ou gibier, caché sous le couvert. Les loups dormaient ou ne se souciaient pas d'affronter les bons mousquets de la maréchaussée, à moins qu'ils n'eussent encore un autre motif de ne point se montrer. On marchait bien lentement, et le soleil se couchait au moment où le convoi atteignait les premiers arbres de l'avenue de la Trémelay. « Monsieur, dit Jude, en se penchant à l'oreille du capitaine, il ne fait point bon pour moi au château. Ce que je cherche n'y est pas, et j'y pourrai trouver en revanche ce que je n'ai garde de chercher. » « Fi, mon brave garçon, répondit le capitaine avec un sourire, tu ne rêves plus qu'assassinat depuis hier. Certes, si tout ce que tu m'as raconté de ce Vaunoy est vrai, c'est un scélérat infâme et sans vergogne. Mais je ne puis croire. Et après tout, qui te dit que ce charbonnier n'ait point menti ?»« Puis le Rouen, il ne mentait pas, monsieur, car sa voix tremblait, et j'ai senti la sueur de son front tomber sur ma main. Oh, il ne mentait pas. Et dame Gothon, et l'absence de notre petit monsieur. » « Tu as peut-être raison, dit le capitaine. En tout cas, tu es libre, mon garçon, et si tu as quelque ami dans la forêt, je te permets de lui demander l'hospitalité. Demain, tu nous rejoindras à Vitré. »« À demain, donc, » répondit Jude. Sur le point de s'éloigner, il s'approcha davantage et ajouta à voix basse, « N'oubliez pas ce qui vous regarde, mon jeune monsieur. Ce Pélo Rouen a parlé de vengeance, il a l'air d'un terrible homme. » Didier sourit encore et fit un geste d'insouciante bravade. « À demain, brave garçon, » dit-il, au lieu de répondre. Jude prit un sentier de traverse et perdit bientôt de vue le convoi. Le soleil était couché depuis quelques minutes à peine, mais il faisait nuit déjà sous les sombres voûtes de la forêt. Les clairières seules montraient leurs agents illuminés par cette lueur chatoyante que le crépuscule du soir laisse monter du couchant. Jude s'en allait à pas lents et la tête tristement baissée. Il avait confié son cheval à un soldat pour que la bête eût sa provende au château. Le bon écuyer sentait son courage l'abandonner en même temps que l'espoir. Pourquoi chercher encore lorsqu'on est sûr de ne point trouver ? Jude avait besoin d'évoquer le souvenir vénéré de son maître pour garder quelque énergie à sa volonté chancelante. Un péril à braver l'eût trouvé fort. S'il n'eût fallu que mourir, il serait mort avec joie. Mais il n'y avait rien, ni péril à braver, ni mort à affronter. Trémelle n'aurait point le bénéfice des efforts tentés. À quoi bon combattre ? Jude, après avoir cheminé quelque temps sans but, prit la route de la loge du charbonnier Pélo-Rouen. « Nous causerons de Trémelle, se disait-il en soupirant. Peut-être aura-t-il appris quelque chose depuis hier. » Jude n'avait pas fait 20 pas dans cette direction nouvelle, lorsqu'un bruit sourd, lointain encore, mais familier à son oreille de vieux soldat, arriva jusqu'à lui. C'était évidemment le bruit produit par la marche d'une nombreuse réunion d'hommes dont les pas s'étouffaient sur la mousse de la forêt. Jude s'arrêta. Ce ne pouvait être l'escouade des sergents de Rennes, car les pas venaient du côté opposé à la ville et avançaient plus rapidement que ne fait d'ordinaire une troupe soumise aux règles de la discipline. Jude devinait rarement. Il en était encore à s'interroger lorsque l'agitation des branches du taillis lui annonça l'approche de cette mystérieuse armée. Il n'eut que le temps de se jeter de côté sous le couvert. Au même instant, une cohue pressée, courant sans ordre, mais à bas bruit, fit irruption dans le sentier que Jude venait de quitter. À la douteuse clarté qui régnait encore, le vieil écuyer tâcha de compter, mais il ne put. Les hommes passaient par centaines, et incessamment d'autres hommes sortaient du fourré. C'était un spectacle singulier et fait pour inspirer l'effroi, car aucun de ces hommes ne montrait son visage au dernier rayon du crépuscule. Tous avaient la figure couverte d'un masque de couleur sombre. Tous, hormis un seul, qui portait au contraire un masque blanc comme neige, au milieu duquel reluisaient deux yeux ronds et incandescents, comme les yeux d'un chat-part. Cet homme, qui était de grande taille, mais de bizarre tournure, marchait le dernier. Lorsqu'il passa devant Jude, il se trouvait en arrière d'une cinquantaine de pas sur ses compagnons, et le vieil écuyer le vit avec étonnement faire, sans effort apparent, deux ou trois bonds réellement extraordinaires qui le portèrent en quelques secondes à l'arrière-garde de la fantastique armée. Jude demeura quelques minutes comme ébahi. Au bout de ce temps, sa lente intelligence ayant accompli le travail qu'une autre aurait fait de primesaut, il conjectura que ces sauvages soldats étaient des loups. Mais où allaient-ils, en si grand nombre, et armés jusqu'aux dents? Jude se fit cette question, mais il n'y répondit point tout de suite, bien que les loups, chuchotant entre eux, eussent prononcé en passant près de lui plus d'un mot qui aurait pu le mettre sur la voie. Il poursuivit sa route, tout pensif et fort intrigué, vers la demeure de Pellerouan. Pendant qu'il marchait par les sentiers redevenus déserts de la forêt, son esprit travaillait, et les vagues paroles surprises çà et là aux loups qui passaient lui revenaient comme autant de menaces. La loge de Pellerouan était fermée. Jude frappa de toute sa force à la porte close. Personne ne répondit. « C'est étonnant, » pensa-t-il, entremêlant sans le savoir le désappointement présent et l'objet de sa récente préoccupation. Ce singulier personnage masqué de blanc, qui marchait le dernier avec des yeux semblables à ceux que je vis briller hier dans les ténèbres de cette loge. « Ouvrez, mon compagnon, ouvrez à l'écuyer de Trémle !» Point de réponse. Seulement, de l'autre côté de la loge, d'autres coups se firent entendre comme pour railler ou imiter ceux qu'ils distribuaient libéralement à la porte. Jude fit le tour de la cabane. Un rayon de lune, égaré à travers les branches des arbres, lui montra une petite fenêtre fermée de forts volets, qui s'agitait sous l'effort d'une main cherchant à les ébranler à l'intérieur. Au moment où Jude ouvrait la bouche pour répéter sa requête, l'un des volets violemment arrachés tomba auprès de lui. En même temps, une forme de jeune fille, dont la lune éclairait vaguement la silhouette, monta sur l'appui de la fenêtre, sauta aux pieds de Jude avec une légèreté de sylphide et demeura un instant à genoux, les bras tendus vers le ciel. « Sainte Vierge de Miforêt, je vous remercie !» murmura la jeune fille avec une ardente dévotion. « Protégez-le, protégez-le. Si je le sauve, Notre-Dame, je vous donne un cierge et une couronne et ma croix d'or et tout ce que j'ai, bonne Vierge. » Elle se signa, baisa une petite médaille suspendue à son cou, se releva d'un bond et disparut comme une biche sous le taillis. Elle n'avait même pas aperçu Jude. « Fleur des Genêts, » dit le bon écuyer, que ces diverses et inexplicables péripéties jetait dans un complet abasourdissement. Qui veut-elle sauver? Et les autres, qui veulent-ils attaquer? La lumière jaillit presque toujours de l'extrême confusion. Jude se pressa le front de ses deux mains, comme pour en faire sortir une pensée obscure dont il sentait instinctivement l'importance et qu'il ne pouvait formuler. Au bout de quelques minutes, il se redressa brusquement et laissa tomber ses bras le long de son corps. La pensée avait jailli. La lumière s'était faite dans les ténèbres de sa cervelle, il comprenait. « Didier » s'écria-t-il d'une voix brève et coupée, « c'est de Didier qu'elle parle. Pellerouan le déteste. Elle veut le sauver parce qu'il veut le tuer. Et les loups, par le nom de Trémle, il y aura quelqu'un pour le défendre. » Il se reprit à marcher à pas de géant dans la direction de la Trémlet. Il semblait avoir retrouvé l'agilité de ses jeunes années et perçait droit devant lui, au milieu des plus épais fourrés, comme un sanglier au lancer. En ce moment, pour la première fois, il sentait quelle puissance avait prise au fond de son cœur son attachement pour le jeune capitaine, son nouveau maître. À cette honnête et fidèle nature, il fallait un homme à qui se dévouer, et le souvenir de Trême ne suffisait pas à satisfaire l'éternel besoin d'obéir et d'aimer qui constituait chez Jude presque tout l'homme moral. En arrivant à la grille du parc de la Trême, Jude était plus inquiet encore qu'au départ, car son flair de fils de la forêt lui révélait la présence d'une immense embuscade. Il sentait d'instinct que le château était entouré de mystérieux ennemis. Tout était tranquille encore néanmoins, et Jude resta indécis, n'osant peser sur la corde qui mettait en mouvement la cloche de la grille. Qu'il entrât par là ou par la maîtresse porte, donnant sur la cour du château, il y avait pour lui danger pareil d'être reconnu. Or Jude ne s'appartenait point, et son zèle pour le capitaine ne pouvait lui faire oublier entièrement et si vite qu'il avait juré de donner sa vie à Trême. Heureusement, pendant qu'il hésitait, il vit briller la lumière d'une lanterne à travers les arbres, et bientôt il distingua l'imposante tournure de Dame Gothon qui, la pipe à la bouche et à la main un énorme trousseau de clefs, s'en venait voir selon sa coutume si toutes les portes étaient bien closes. Dame Gothon et Jude étaient trop bons amis pour que le lecteur conserve la moindre inquiétude au sujet du vieil écuyer dans l'embarras. Nous laisserons la femme de charge l'introduire avec tout le mystère désirable et nous réclamerons place à table dans la salle à manger de M. Hervé de Vaunois. Le souper était copieux et bien ordonné. Béchamel, qui avait dormi sur sa rancune et n'était point fâché d'ailleurs de veiller personnellement au salut de ses 500 000 livres, faisait grand honneur à une seconde édition de son fameux blanc-manger qu'il avait revu et corrigé pour la circonstance. Le vin était excellent, l'officier du roi qui commandait les sergents de Rennes se trouvait être un joyeux vivant. Didier lui-même accueillait avec plus de bienveillance l'hospitalité empressée de Vaunois. Une seule chose manquait au festin, c'était la présence d'Alix, retenue en son appartement par la fièvre qui ne l'avait pas quittée depuis la veille. Mais Alix, il faut le dire, était merveilleusement remplacée par sa tante, Mademoiselle Olive de Vaunois, laquelle tenait le centre de la table et faisait les honneurs avec une grâce qu'il ne nous est point donné de décrire. Parmi les valets qui servaient à table, nous citerons Maître Alain et Lapierre. Vaunois ne les perdait pas de vue, et tout en faisant 1000 caresses au jeune capitaine, il paraissait accuser ses 2 suppôts de lenteur et contenait difficilement son impatience. Le premier service avait été enlevé pour faire place au rôti, puis à la pâtisserie qui, placée au centre de la table, s'entourait d'un double cordon de dessert. On versait les vins du midi qui semblaient causer à Béchamel et à l'officier rennais une notable satisfaction. Didier tendit son verre par-dessus son épaule, ce fut Lapierre qui versa. Vaunois et lui échangèrent un rapide coup d'œil. Mais, au moment de porter le verre à ses lèvres, Didier se tourna brusquement et regarda Lapierre en face. Le saltimbanque émérite soutint parfaitement ce regard et demeura sans sourciller à la position du laquais derrière la chaise de son maître. Didier répandit ostensiblement le contenu de son verre sur le parquet et fit à Lapierre un signe impérieux de s'éloigner, ce que celui-ci exécuta aussitôt en s'inclinant avec un fin respect. Vaunois était devenu pâle. « Notre vin de Guyenne ne plaît pas au capitaine Didier » demanda-t-il en s'efforçant de sourire. « Ne parlez pas ainsi, monsieur mon ami » interrompit Béchamel, qui cherchait un bon mot depuis le potage. « Ou monsieur le capitaine vous actionnera en calomnie devant notre parlement. » Cela dit, Béchamel crut devoir éclater de rire. « Monsieur de Vaunois, » répondit le capitaine avec une froide politesse, « veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Veuillez surtout faire en sorte que cet homme ne m'approche jamais. J'ai mes raisons pour parler ainsi, monsieur de Vaunois. Sortez, Lapierre, » dit le maître de la Trême. « Mon jeune ami, » ajouta-t-il, « choisissez, je vous en supplie, entre tous mes valets. Vous plaît-il être servi par mon majordome en personne ?» C'était littéralement tombé de Charybde en Scylla, car Lapierre, en sortant, avait remis au majordome le flacon qu'il tenait à la main. Didier salua légèrement en signe d'acquiescement et tendit son verre à Maître Alain, qui l'emplit jusqu'au bord. « À la santé du roi !» dit le maître de la Trême en se levant. Tous les convives l'imitèrent, excepté Mademoiselle Olive, que le privilège de son sexe dispensait de ce mouvement. « À la santé du roi !» répéta Didier, qui but son verre d'un trait. Un imperceptible sourire plissa la lèvre d'Hervé de Vaunois, il fit un signe à Maître Alain. Celui-ci s'approcha d'une fenêtre ouverte et lança dehors le flacon qui avait servi à remplir le verre de Didier. Nul ne remarqua cet incident et le souper continua comme si de rien n'eût été. Au bout de quelques minutes, Didier cessa tout à coup de répondre aux gracieuses prévenances dont l'accablait Mademoiselle Olive. Sa tête pesait sur ses épaules, ses paupières luttaient en vain pour ne point se fermer. On eût dit qu'il était en proie à un irrésistible besoin de sommeil. Olive, scandalisée, rentra en indigne silence, ce qui permit au capitaine de s'endormir tout à fait. « Saint Dieu, dit Vaunois, notre jeune ami n'est pas aimable ce soir. Il jette notre vin et s'endort à notre barbe. Lui auriez-vous conté une histoire, mademoiselle ma sœur ? » Olive se pinça les lèvres et foudroya son frère du regard. « Cela n'expliquerait pas pourquoi il a répandu son vin de Guyenne, dit Béchamel avec son habituelle naïveté. « Nous lui passerons tout cela en faveur de son titre d'officier du roi, reprit joyeusement le maître de la Trémelay, et nous pousserons l'attention jusqu'à le faire emporter dans son fauteuil afin de ne point troubler son sommeil. » Deux valets, en effet, soulevèrent le siège de Didier et l'emportèrent toujours dormant à sa chambre. Cela réjouit fort M. de Béchamel et l'officier Rennais, qui jura sur son honneur que M. de Vaunois savait exercer l'hospitalité dans les formes. Didier ne s'éveilla point pendant le trajet. Les deux valets le déposèrent endormi sur son lit et se retirèrent. Une heure après environ, un bruit terrible se fit autour du château. Les portes furent attaquées toutes à la fois, et brisé d'autant plus facilement qu'il ne se présenta personne pour les défendre. Par une fatalité singulière, sergents et soldats de la maréchaussée se trouvaient casernés dans une grange qu'on avait fermée en dehors. Une seule personne fit résistance, ce fut la vieille Gothon, qui, après avoir inutilement essayé de relever le courage de Maître Simonet et des autres valets de Vaunois, saisit bravement un mousquet et fit le coup de feu par la fenêtre de la cuisine. Au moment où l'on entendit les premiers bruits de cette attaque inopinée et furieuse, Vaunois était dans son appartement avec Maître Alain, Lapierre et deux autres valets armés. « Voici l'instant, dit-il, avec un certain trouble dans la voix. Il dort et vous êtes quatre, Saint-Dieu, ne me le manquez pas cette fois. »« Je m'en chargerai tout seul, reprit Lapierre. Et en vérité, ce jeune fou prend à tâche de me donner envie de le tuer. Voilà deux fois qu'il me foule aux pieds depuis hier. » Trêve de parole. Interrompit Vaunois. À vous le capitaine, à moi les loups. Les quatre estafiers s'engagèrent dans le long corridor qui conduisait à la chambre de Didier. Lapierre marchait le premier, épée nue dans la main droite, poignard dans la gauche. Maître Alain venait le dernier, ce qui lui donna occasion de dire, sans être aperçu, un mot à sa bouteille carrée. Attention, dit Lapierre en arrivant à la porte qui n'était point fermée. Je vais l'expédier tout seul. Cependant, s'il s'éveillait par le plus grand des hasards, vous viendriez à la rescousse. Il entra. Une obscurité profonde régnait dans la chambre de Didier. Lapierre avança doucement, et lorsqu'il se crut à portée du lit, il leva son épée. Une autre épée arrêta la sienne dans l'ombre. Lapierre recula étonné. « Lève la lanterne, Jacques, » dit-il à l'un des valets. Celui-ci obéit, et nos quatre assassins aperçurent debout, devant le lit de Didier endormi, un homme de grande taille, qui, droit et ferme sur la hanche, présentait la pointe de son épée nue. Le vieux majordome poussa un cri de surprise. « Saint-Jésus, dit-il, gare à nous, je le reconnais cette fois, nous ne sommes pas trop de quatre. C'est Jules Lécaire, l'ancien écuyer de Nicolas Trémelle. » Fin de la section 17.